Quatrième chapitre. Ce fut à l'époque des Tamerlans, je crois, en l'an 10 avant ou après Jésus-Christ, qu'importe. Souvent précision nuit au rêve décaractérise la fable. Là-bas, du côté où le soleil se lève, ce qui fit appeler cette contrée le Levant, en un bosquet odorant, quelques jeunes gens au teint basané, mais cheveux longs, contrairement aux usages de la foule soldatesque, indice de leur future profession, se trouvaient réunis. Ils écoutaient, je ne sais si respectueusement, le grand professeur Vebi Zunbulzadi, le peintre donneur de préceptes. Si vous êtes curieux de savoir ce que pouvait dire cet artiste en des temps barbares, écoutez, il disait. Employez toujours des couleurs de même origine. L'indigo est la meilleure base. Il vient jaune traité par l'esprit de nitre et rouge dans le vinaigre. Les droguistes en ont toujours. Tenez-vous-en à ces trois colorations. Avec de la patience, vous saurez ainsi composer toutes les teintes. Laissez le fond de votre papier éclaircir vos teintes et faire le blanc, mais ne le laissez jamais absolument nu. Le linge et la chair ne se peignent que si l'on a le secret de l'art. Qui vous dit que le vermillon clair est la chair et que le linge sombre de gris? Mettez une étoffe blanche à côté d'un chou ou à côté d'une touffe de rose et vous verrez si elle sera teintée de gris. Rejetez le noir et ce mélange de blanc et de noir qu'on nomme gris. Rien n'est noir et rien n'est gris. Ce qui semble gris est un composé de nuances claires qu'un œil exercé devine. Qui peint n'a point pour tâche, comme le maçon, de bâtir le compas et l'équerre à la main sur le plan fourni par l'architecte. Il est bon pour les jeunes gens d'avoir un modèle, mais qu'ils tirent le rideau sur lui pendant qu'ils le peignent. Mieux est de peindre de mémoire, ainsi votre œuvre sera vôtre. Votre sensation, votre intelligence et votre âme survivront alors à l'œil de l'amateur. Il va dans son écurie quand il veut bien compter les poils de son âne, voir combien il en a à chaque oreille et déterminer la place de chacun. Qui vous dit que l'on doit chercher l'opposition de couleurs? Quoi de plus doux à l'artiste que de faire discerner dans un bouquet de roses la teinte de chacune? Deux fleurs semblables ne pourraient donc jamais être feuille à feuille? Cherchez l'harmonie et non l'opposition, l'accord et non le heurt. C'est l'œil de l'ignorance qui assigne une couleur fixe et immuable à chaque objet. Je vous l'ai dit, gardez-vous de cet écueil. Exercez-vous à le peindre accouplé ou ombré, c'est-à-dire voisin ou mis derrière l'écran d'objets d'autres ou semblables couleurs que lui. Ainsi vous plairez par votre variété et votre vérité, la vôtre. Allez du clair au foncé, du foncé au clair. Votre travail ne sera jamais trop long. L'œil cherche à se récréer par votre travail. Donnez-lui joie et non chagrin. C'est au faiseur d'enseigne qu'appartient la reproduction de l'œuvre d'autrui. Si vous reproduisez ce qu'un autre a fait, vous n'êtes plus qu'un faiseur de mélange. Vous émoussez votre sensibilité et immobilisez votre coloris. Que chez vous tout respire le calme et la paix de l'âme. Aussi, évitez la pose en mouvement. Chacun de vos personnages doit être à l'état statique. Quand Umra a représenté le supplice d'Okraï, il n'a point levé le sabre du bourreau prêté au Kakan, un geste de menace et tordu dans les convulsions la mère du patient. Le sultan assis sur son trône plisse sur son front la ride de la colère. Le bourreau, debout, regarde Okraï comme une proie qui lui inspire pitié. La mère appuyée sur un pilier témoigne de sa douleur sans espoir par l'affaissement de ses forces et de son corps. Aussi, une heure se passe-t-elle sans fatigue devant cette scène, plus tragique dans son calme que si la première minute passée, l'attitude impossible à garder, eût fait sourire de dédain. Appliquez-vous à la silhouette de chaque objet. La netteté du contour est l'apanage de la main qu'aucune hésitation de volonté n'affadit. Pourquoi embellir à plaisir et de propos délibérés? Ainsi, la vérité, l'odeur de chaque personne, fleur, homme ou arbre, disparaît. Tout s'efface dans une même note de jolie qui soulève le cœur du connaisseur. Ce n'est point à dire qu'il faille bannir le sujet gracieux, mais il est préférable de rendre comme et tel que vous voyez que de couler votre couleur et votre dessin dans le moule d'une théorie préparée à l'avance dans votre cerveau. Quelques murmures se font entendre dans le bosquet. Si le vent ne les eût emportés, on aurait peut-être entendu quelques paroles malsonnantes, naturalistes, pompiers, etc. Mais le vent les emporta. Cependant, Mani fronça le sourcil, appela ses élèves anarchistes, puis continua. « Ne finissez point trop, une impression n'est point assez durable pour que la recherche de l'infini détail faite après coup ne nuise au premier jet. Ainsi vous en refroidissez la lave, et d'un sang bouillonnant vous en faites une pierre. Fût-elle un rubis, rejetez-la loin de vous. Je ne vous dirai point quel pinceau vous devez préférer, quel papier vous prendrez, et à quelle orientation vous vous mettrez. Ce sont là choses que demandent les jeunes filles à longs cheveux et à esprit court, qui mettent notre art au niveau de celui de broder des pantoufles et de faire de succulents gâteaux. » Gravement, Mani s'éloigna. Gaiement, la jeunesse s'envola. En l'an X, tout ceci se passa. Jugement contemporain. Une pétulante dame, mûre, trop mûre, une femme qui m'avait effrayée et que moi, Joseph, n'avais pas osé comprendre, dit à ma fiancée. Voyez-vous, mon enfant, vous allez épouser un honnête garçon, mais ce qu'il est bête, ce qu'il est bête. Un peu plus tard, un jeune peintre, fraîchement débarqué, dit « Gauguin, voyez-vous, c'est un grossier matelot très adroit à faire des petits bateaux, toute voile dessus et bien encadré. Un tel peut-être le dégourdira. Voilà, ce me semble, de quoi se préserver du péché d'orgueil. » Encore plus tard, un tout autre jeune homme précoce écrivit « Ardent pionnier, j'ai remué la terre, le cerveau plein d'idées, et je n'ai rien trouvé, ce que, voyant, Gauguin, plus savant, ramassa toutes les richesses. » De ce chercheur, un amoureux d'art a dit « Il décalque un dessin, puis il décalque ce décalque, ainsi de suite, jusqu'au moment où, comme l'autruche la tête dans le buisson, il trouve que ça ne ressemble plus, et alors il signe. » Pour se venger de Gauguin, ce charmant jeune homme entretenu par un mécène croyant écrivit à un ami de Gauguin « Mon cher et tendre ami, Gauguin vous a fait cocu. » Cet ami, convaincu, à juste titre, de la calomnie, répondit « Que nenni !» Et notre charmant jeune homme, pour se venger de cet ami incroyant qui était peintre aussi, mit sur une lettre à son adresse « Monsieur Z, propriétaire », ce que voyant, l'ami écrivit au Caire « Monsieur Zéro, locataire ». Voilà de quoi vous apprendre à ne pas fréquenter les impudents. De tout cela, je n'ai garde. Le chemin se fait de plus en plus rude. On vieillit. Le souvenir du mal enfumé s'évanouit. Le velours sur la conscience cache les épines, adoucit les morsures. La gloire est peu de chose si le piédestal mal construit s'effondre au moindre souffle. D'ailleurs, les vrais lévitent. C'est si bon la solitude, si rassérénant l'oubli quand, consciencieux du péché, on désire la délivrance tout en redoutant l'après inconnu. Géant, tu es mortel, cela suffit à t'humilier. Problème qu'on cherche à résoudre, facile au début, sphinx à la mort. Poignée de menues pièces de monnaie jetées au vent par un Crésus, et qu'après dispute le plus fort ou le plus adroit ramasse en minime partie, glorieux de sa victoire. Il doit vite en rabattre quand chez le marchand de tabac il en demande pour sa piécette de 2 sous qu'il a si difficilement ramassée. Mon voisin dit « C'est quelque chose, la philosophie du monsieur tant mieux, c'est beaucoup, et moi qui ne suis qu'un serin, je dis « C'est bien peu de chose. » « Mon Dieu, disait-elle, il est très honnête, mais ce qu'il est bête, ceci n'est pas un livre. » Dans le sentier muletier, bleus tous deux, rayés, argentés, deux braves ondulent devant eux, car la ligne courbe, certainement, est la plus courte. Le vin de l'administration des rigides les jarrets empâte la langue. Que ce serait la même chose que dans la chanson, si ce n'était aux marquises, quand apercevant une petite frimousse dorée que vous ne sauriez appeler grille d'égout ou la goulue, le brigadier s'écria « Pour moi !» et que, subséquemment, le gendarme répondit « Brigadier, vous n'avez pas raison !» Et la petite frimousse de répondre aussi sans se fâcher. Le premier payera deux piastres, le second n'en payera qu'une. Cette fois, le gendarme, pensant que la petite était aussi bécard qu'à Paris, répondit « Brigadier, vous avez raison !»« mais non !» À vous, monsieur le gendarme, de tirer le premier, tout comme les Anglais. Mais un gendarme ne saurait passer devant son brigadier. On a beau être aux marquises, ces dames sont dans le train. D'ailleurs, les missionnaires leur disent, le péché doit avoir son excuse. La monnaie, c'est l'excuse. Lisant le journal des voyages, un homme pense quitter Paris, une civilisation qui l'obsède. Il prend le train et le bateau à Marseille, navire somptueux. Déjà sur le navire, quelques jours de marche, et il commence à connaître ce monde colonial qu'il ne soupçonnait pas. Oh, les délices de vivre en troupe sous une férule avec la sécurité de la pâtée et la possible auréole d'une palme. Rémy de Gourmont. Tous les jours, brillant festin, longue table de mets succulents, un officier préside chaque table. Maître d'hôtel, qu'est-ce que c'est que cela? Croyez-vous que je sois habitué à manger une pareille nourriture? Le gouvernement paye et j'en veux pour mon argent. Chez lui, l'employé déjeune avec 2 sous de figues et 1 sou de radis. Le dimanche, la salade et une trempette dans le vinaigre rehaussé d'ail. À bord, c'est différent. On est en congé et aux frais de la princesse, on veut gobeloter en grognant. Palais délicat de ruffians, souvent mari complaisant, des enfants en veux-tu en voilà, boutonneux, scrofuleux, tout le portrait de leurs parents, déjà marqué du sceau de la médiocrité, bien fait de l'instruction publique et obligatoire. À travers le grand océan, un navire vient de toucher la terre, et c'est un îlot qui n'est pas marqué sur la carte. 3 habitants cependant, un gouverneur, un huissier et un marchand de tabac avec timbre-poste. Déjà. Ah, lecteur, vous croyez que c'est commode de trouver un coin tranquille à l'abri des méchants? Pas même l'île du docteur Moreau, pas même la planète de Mars. On vient de s'en apercevoir depuis que les Martiens, histoire de venger les Boers, sont descendus à Londres afin d'organiser la panique de tous ces braves Anglais. Arrivée à Tahiti. Les voyageurs, pour le retour, changent de train. L'arrivée doit une visite inénarrable, le chapeau gibus. Le gouverneur, les balayeurs aussi. On susurre, finalement, mais gracieusement, on vous demande « Avez-vous de l'argent ?» Ne vous désespérez pas cependant, le soir arrive et vous allez enfin goûter l'oubli de la civilisation. Au centre du petit square, un petit kiosque à peine suffisant pour contenir tous les membres de la société philharmonique et les lampions allumés, charmante musique moderne, vous enchante. Avisant un employé à casquette qui distribue des billets pour les chevaux de bois, vous vous méprenez et vous demandez votre billet d'omnibus Madeleine Bastille. Toujours distrait, vous prenez place dans un véhicule traîné par des chevaux de bois. Ça tourne encore. Ce n'est pas la Bastille. Erreur, c'est Tahiti. Et si jamais pareille mésaventure vous arrive, ne vous avisez pas de faire la connaissance d'un procureur de la République française. Comme à moi, il vous enquirait. Au surplus que je vous raconte l'aventure, non au début, ce serait vous ennuyer, mais au moment où, plus rageur que Meissonnier, je voulus me fâcher. Tout le monde, même le commandant du navire de guerre, voulut me dissuader d'une pareille escapade. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un procureur et un gouverneur aux colonies, me disait-on. Autant arrêter la marche d'une comète en lui mettant un grain de sel sur la queue. Voilà comment je devins journaliste, polémiste si vous voulez. Mais naviguer au milieu de ces récifs sans s'y briser n'est pas une petite affaire. Il me fallut étudier les détours pour ne pas aller en prison. Un petit spécimen de mon savoir-faire. Quant à X, les ditons sont si formidables que par respect de l'humanité, je m'impose le devoir de croire que c'est peut-être de la calomnie. Encore un spécimen, celui-là dans le ridicule. Démosthène, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Anecdotes traduites du grec souvent divertissent. En raconter une sans garantir la fidélité de la traduction ne me paraît pas une hardiesse hors de mes moyens, mais plutôt un jeu de joyeux compagnons. En l'an 10 de la 18e dynastie Ramsès, il se passait bien d'étranges choses à Cythère, mais Cythère au peuple crétois n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Cythère cédait à la Suisse en échange de la fameuse arbalète de Guillaume Tell et de sa pomme, qui devint plus tard la pomme Cythère. Cythère, devenue Suisse, perdit son beau temple de Vénus, et un semblant d'austérité genevoise la rendit morne, insupportable. Autrefois donc à Cythère, au peuple crétois, le ciel était pur. Les femmes adorables et adorées, ayant la joie nue de vivre dans la clémence de l'air, dans la caresse des herbes douces, dans la volupté du bain. Et c'était une perpétuelle fête, une ignorance parfaite du travail que les générosités de la nature font inutile. Rien de plus riant que son port avec ses boutiques ensoleillées, ses pirogues. Et ce fut un jour fameux que le 6e jour de la 18e dynastie de Ramsès en l'an 10. La société commerciale venait d'ouvrir son vaste magasin lorsque se présenta un client, un tout petit jeune homme microscopique, mignon au possible, si bien habillé, pommadé, ciré depuis en haut jusqu'en bas. D. Avez-vous du cold cream à la cannelle? R. Oui, certes, et du tout frais. D. Donnez-moi un kilo. Et le commis empressé de fournir la marchandise, de proposer plusieurs articles, entre autres la fameuse découverte du biberon Pastoros contre la rage des dents. Figurez-vous que le vaccin a été pris sur un morse tout particulier qui réside seulement au 90e degré de latitude. On en a fait une expérience concluante sur l'éléphant bleu d'Amsterdam. Cet animal était devenu extrêmement dangereux par suite d'une rage de dents. Un cancrelat s'était installé dans une de ses défenses pour y faire son nid. Or, le biberon Pastoros possède une tétine à aspérité. L'éléphant biberonna, se piqua, se vaccina. Oh, merveilleuse découverte! L'éléphant bleu devint rouge aussitôt, puis ses défenses tombèrent aux pieds du cornac. Comme le petit mignon sortait du magasin, les vitres s'assombrirent. La belle, l'immense Toutoua dit tout bas « À ce soir !» 8 heures sonnaient au beffroi. Bienheureux, le petit mignon, suivi de ses deux chiens noirs, montait, cette fois avec majesté, les marches de la grande construction. D. « Tout le monde est à son poste » demanda-t-il. R. « Oui, seigneur Archonte. » D. « Qu'on me laisse tranquille ce matin. Je n'y suis pour personne. » Dans son élégant cabinet capitonné, Mignon est seul, se mire, se pomponne, puis étend une couche de cold cream sur son petit museau adoré. Il se déculotte un peu seulement, les convenances, et allant on ne sait où, un peu de ce cold cream à la cannelle s'engloutit aux profondeurs mystérieuses du chérubin. 8 heures du soir. L'immense, la belle Toutoua en son logis gazouille, chemise entr'ouverte, laissant voir de mystérieuses choses aux âcres senteurs, dont la vue aurait en des vieillards éteints rallumé le feu de Vénus et particulièrement échauffé son mignon. Tous deux d'amour brûlaient à la recherche des extases suprêmes. Ce fut une nuit superbe. Le sommeil, depuis quelques heures, avait engourdi nos deux belles créatures lorsque les voitures du laitier annoncèrent leurs proches du marché. L'immense Toutoua se réveilla, voulut à gauche, à droite, embrasser son adoré. Ouida, elle ne trouva rien. Peau de balle, balai de crin. Une sueur froide inonda ses puissants mamelons lorsqu'elle sentit sous elle son cher mignon. L'insecte ne donnait plus signe de vie, tout à fait endommagé. Que faire? Tout prolonge dehors et pas un verre de ratafia. Toutoua tristement mit l'insecte entre ses deux mamelons et le porta au logis seigneurial. Le docteur fut appelé et trouva que l'insecte devait être mal à son aise. Le grand Hippocrate lui-même n'aurait pas trouvé mieux que son disciple lorsque celui-ci, prenant un soufflet d'insecticide vica, l'introduisit dans les profondeurs mystérieuses, car aussitôt l'insecte respira. En l'an 10 de la 18e dynastie Ramsès, tout ceci se passa. Traduction SGDG.